Les aventuriers à présent, l'actualité des sciences et le retour de Fabienne Chauvière. Bonjour Fabienne. Bonjour Eric. Le gouvernement a annoncé cet été que d'ici 2025, 100% de nos déchets plastiques devraient être recyclés. La question est de savoir si on peut effectivement les remplacer et comment. Ces plastiques, comment les remplacer? Eh bien, chaque année, 8 millions de tonnes de détritus sont déversées dans les océans, dont une grande quantité de matière plastique. C'est un désastre écologique et on aimerait effectivement trouver des solutions. C'est pas toujours fantastique, surtout lorsqu'on les utilise pas forcément à bon escient. L'homme que vous venez d'entendre, Eric, s'appelle Stéphane Bruzeau. Il est professeur à l'Institut de recherche Dupuis de l'Aume à Lorient. Ce chercheur est un spécialiste des bioplastiques, des plastiques qui ne sont pas faits à base de pétrole. Les bioplastiques sont souvent meilleurs pour l'environnement, mais pas toujours. Le terme bioplastique, il peut aussi bien se rapporter à la matière première qui permet de fabriquer ce bioplastique-là, c'est-à-dire une matière première d'origine végétale, un légume, un fruit, et non plus le pétrole, comme c'est classiquement le cas pour la fabrication des plastiques traditionnels tels que des polyéthylènes, des PVC, des polystyrènes. Mais aussi, le terme bioplastique peut se rapporter à la fin de vie, c'est-à-dire à la capacité qu'a une matière plastique à pouvoir se biodégrader selon des normes et des environnements qui sont bien définis. Pour résumer, on va trouver des plastiques, des bioplastiques qui vont être à la fois biosourcés et biodégradables, mais on pourra trouver aussi des bioplastiques qui ne seront que biosourcés ou biodégradables. Il y a donc des plastiques qui sont biosourcés et non biodégradables. Oui, ça existe. On peut citer plusieurs exemples. Un des exemples les plus connus est fabriqué par une entreprise brésilienne qui est capable de fabriquer à partir de canne à sucre, en fait, en extrayant le sucre de la canne à sucre, en traitant ce sucre et le transformant en différents intermédiaires chimiques. Cette entreprise-là est capable de fabriquer du polyéthylène dit biosourcé, mais qui en aucun cas biodégradable comme le polyéthylène traditionnel de toute façon. Alors Fabienne, ce chercheur Stéphane Bruzeau a employé le terme de biosourcé. Biosourcé, fabriqué à partir de matières végétales. On trouve dans la nature de nombreux végétaux, de nombreuses substances dans les sucres, dans les huiles végétales, avec lesquelles effectivement on est capable, on a démontré la faisabilité de fabriquer des matières plastiques, des matières en bioplastique précisément. Alors c'est une succession d'étapes d'origine biotechnologique, d'origine chimique, où l'on va d'abord effectivement par des processus issus de la biotechnologie, on va extraire ce qu'on appelle des molécules d'intérêt, qu'on va pouvoir transformer chimiquement par des opérations successives pour aboutir à telle ou telle matière plastique, qui peuvent être soit des polyéthylènes, on vient d'en parler, qui peuvent être aussi des polyesters, des polyamides ou d'autres types de matières plastiques qui vont concurrencer directement les plastiques d'origine pétrochimique, puisque que ce soit la ressource pétrochimique ou la ressource renouvelable telle que les végétaux par exemple, in fine, on produit la même matière plastique avec les mêmes caractéristiques et les mêmes problématiques en termes de fin de vie. Et donc Fabienne, les bioplastiques utilisent une matière première qui pourrait être utilisée pour l'alimentation. Oui, et donc Stéphane Bruzeau, dans son laboratoire, travaille sur un nouveau procédé qui permettrait d'utiliser les déchets de notre alimentation. Depuis plusieurs années, je développe des projets sur les bioplastiques avec lesquels on essaie de valoriser des déchets, des coproduits de l'industrie agroalimentaire que l'on va réutiliser, avec lesquels on va pouvoir fabriquer des matières en bioplastique. D'un déchet, on va en faire un coproduit qu'on va valoriser pour la fabrication d'un produit industriel qui sera une matière en bioplastique. L'autre intérêt étant qu'ils sont en fin de vie biodégradable. On a vérifié par des essais dans le port de Lorient que les matériaux qu'on peut développer à travers ces projets-là sont biodégradables en milieu marin en particulier de manière assez spectaculaire. Mais alors quand on dit que ces plastiques sont biodégradables, en fait ils le sont au bout de combien de temps? Ils ont souvent besoin de la chaleur d'usines spécialisées qui les chauffent à 56 degrés. Certains, mais pas tous, peuvent se fondre dans le compost au fond du jardin à 28 degrés en plusieurs mois, voire plusieurs années. Au fond des océans, ces bioplastiques actuels n'ont pas assez de chaleur pour disparaître. Les bioplastiques donc, dans votre rendez-vous du week-end, les aventuriers, merci. Fabienne Chauvière. Et à demain.